a-t-il que de deux amants, l'un manque de tempérament et l'autre à ce point de nature. Quelque chose à casser, à mettre en bouillie.